Tu m'as dit que tu avais une forme d'anxiété sociale, c'est ça? Et est-ce que tu penses que c'est lié à ça, aux réseaux sociaux ou pas du tout? Enfin, ça peut être aussi... Enfin, oui, beaucoup. Mais ça peut être aussi irréel. Alors, petite précision, le irréel, en fait, ça désigne plutôt, je pense, IRL, qui signifie in real life, donc dans la vraie vie. Donc, faut comprendre dans la vraie vie quand elle dit irréel. Le sens, la mentalité des gens, ce qu'ils pensent, et ça... Enfin, en général, ça... Donc, c'était social, c'est plus irréel que dans le virtuel. Dans le virtuel, tu auras moins de peur comparé au réel. Au irréel, tu auras un peu plus peur, en fait, justement. Et si t'es devenu comme ça, c'est plus par les... Parce que les gens, c'est pas les mêmes que irréel dans le virtuel. Les gens, les remarques que tu avais et tout ça, en réalité, c'était pas les mêmes que sur les réseaux? Non. Les gens, par exemple, irréel, sur les réseaux, ils vont même avoir une image... Enfin... Je sais pas comment on peut dire ça. S'ils sortent, ils vont pas commencer à juger tout le monde ou... parce qu'ils auront peur, justement. Il y aura toujours une peur de juger quelqu'un face, enfin, d'être franche. Et que la personne, elle se blesse ou autre chose comme ça, ou qu'elle appelle ses frères, ou... voilà. Alors que sur les réseaux, vu que c'est derrière un écran, les gens, ils peuvent se permettre de juger tout le monde. Et bah d'ailleurs, c'est en entendant des choses comme ça que tu peux avoir de l'anxiété sociale. Après, ça peut être aussi irréel par rapport à parce que plus tard, avant, t'as eu du harcèlement, ou t'envies, ou t'as eu des critiques encore, ou des choses comme ça. Du coup, bah voilà. Et en général, quand ça... Enfin, ce que ça fait, les symptômes. Oui, si, les symptômes, on peut appeler ça comme ça. C'est quand t'as peur de sortir et que t'as peur de la pensée des autres. Genre, vu que t'es pas dans leur tête, quand tu sors, la première chose que tu dis, genre, quand tu vois une personne, c'est elle pense à quoi? Est-ce qu'elle me regarde physiquement? Est-ce que... Enfin, si la personne te connaît un peu plus, est-ce qu'elle me trouve idiote ou des choses comme ça? Et enfin, savoir ce qu'ils pensent, et du coup, bah, en général, ça fait une grosse stress. Ça fait que tu arrives plus à communiquer avec les gens normalement parce que t'as peur que la personne te juge sur une petite chose ou plusieurs, voilà. Et c'est pour ça que tu voulais plus aller en cours? Oui, aussi. Okay. Il y a les ados en 2021, il y a trop de crises. Du coup, on a tous besoin des gens qui nous aident. Et après, bah voilà. C'est quoi, par exemple, une crise? Une crise, bah, quand on s'entend plus bien dans sa famille ou quand on s'entend bien, on s'entend plus avec ses potes. Puis voilà. Qu'est-ce que ça fait après? Bah, ça fait des problèmes et on n'est plus bien. On n'est pas bien. Et ouais, ça nous rend mal, je sais pas. Et toi, quand t'es pas bien, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'écoute de la musique, je sais pas. Ou des fois, je sors. Après, bah, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il existe des problèmes d'adolescents qui sont vraiment liés à l'adolescence et qu'on n'a pas à d'autres moments? Bah, y a la dépression, je dirais, mais ça arrive souvent de nos jours. Enfin, ça arrive plus souvent que moi aux époques d'avant. Enfin, même si on peut le faire étant adulte ou même plus petit. Enfin, même plus petit, c'est un peu rare, mais adulte, ça peut arriver souvent aussi. Mais vu que nos émotions, on ne sait pas les gérer et qu'on a du mal... Des fois, quand on est triste, bah, ça reste pendant un moment. Là, parce qu'on ne sait pas comment, en fait, se libérer, si je peux dire ça. Et ça fait quoi, la dépression? Une dépression, bah, à cause de ça, tu peux te suicider, parce qu'en général, tu as beaucoup d'idées noires. Ensuite, c'est que tu es souvent renfermé ou seul, ou du moins que tu te sens seul, si tu ne l'es pas exactement. Que tu as un gros décrochage scolaire au niveau. Enfin, que tu deviens insociable aux yeux des gens. Enfin, plein de trucs comme ça. C'est un tas de tout. Vivre. Vivre? Ouais. Vivre, ben, faut vivre sa vie. Faut vivre. Vivre, c'est être là, c'est être présent, physiquement, physiologiquement.